je quitterai mes fonctions de chef du Parti libéral du Québec dans quelques jours, dès que le prochain gouvernement sera formé. S'il possède toutes les qualités pour diriger un gouvernement minoritaire, ce ne sera pas nécessaire puisqu'il est un excellent animateur majoritaire. Voici Jean-Philippe Vautier! Merci. Bonsoir tout le monde. Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va donner amplement le temps de se remettre de la soirée électorale de mardi dernier. My God, quelle soirée quand même, hein? Fred, bonsoir. Bonsoir. Oh, avez-vous gagné vos élections? 3 comtés sur 4. Wow! J'ai même eu la longue shot que j'avais dit la semaine passée, j'ai eu. Ah ben oui, c'est vrai, le PLQ, hein, ouais, hein, qui est rentré fort, ouais. 50 députés, on s'attendait pas à ça, mais qui est rentré sans Jean Charest, qui n'a pas remporté ses élections dans sa circonscription. TVA, hein, ont été les premiers d'ailleurs à annoncer la défaite du premier ministre. Ouais, hein? Là, c'est parce qu'à Radio-Canada, là, ils sont frileux avec ça, hein, depuis l'affaire de Rome. Oui, oui. D'ailleurs, à Radio-Canada, on ne l'a pas encore confirmé. Non. Hein? Non, ça d'ailleurs, on attend qu'il déménage ses boîtes, oui. puis que le camion soit fermé. T'sais, la porte soit fermée pour être sûr et certain avant de l'annoncer. Là, écoute, on a assez peur. Rigueur. Hein, rigueur, oui. Cela dit, 50 sièges sans leader, c'est un peu ce qu'on appelle une victoire morale pour les libéraux, j'imagine. Les, hein, les libéraux sans Charest, là, c'est une victoire pour tous les Québécois. Ah, non, Fred, ça c'est votre opinion, honnêtement. On s'en sac un peu. Mais je veux dire, regarde, je pense que même sans Jean Charest, je veux dire, on va s'en ennuyer. Il va nous manquer, Jean Charest. C'est du bon matériel. Oh, et puis, ben bon, 19 députés de la CAQ, là, pas mal moins qu'on aurait pu croire, hein? Surtout après avoir entendu les vox pop de Jean Lapierre au Carrefour Laval, hein? Franchement, non, mais c'est vrai, hein? Non, mais je comprends pas ce qui s'est passé. On s'attendait à plus, ouais, hein? Ouais. Tout comme d'ailleurs les candidats qui espéraient pouvoir se refaire une santé financière avec les élections. Ben hein, oui, vous avez vu ça? 14 faillites parmi les candidats caquistes. Ben oui, 14 faillites. On a appris ça cette semaine, ouais. Hein? On a aussi appris sur le Twitter de François Legault que c'était pas très grave une faillite parce que même Pierre Péladeau en avait fait une. Bon, évidemment, c'est une information qui a été tout de suite démentie par TVA, là. Bon, ben, quand TVA est obligé de corriger tes faits, là, c'est parce que t'es dans le champ en cacarnac. Ouais, ouais. Je veux dire, tu te trompes pas rien qu'un peu, tu sais. Boy, boy. Toujours est-il que 19 députés, ben 19, en fait, 19, c'est le total de votes que Jean-Martin Hossan a eu dans sa circonscription. Hein? Ouais, ben ouais. Oui, ben oui. Le pauvre Jean-Martin qui se cherche une job, oui. C'était dans le journal ce matin. Il cherche ouais, une job. En tout cas, j'ai envoyé son CV à tous mes contacts. Ah, ben ça peut pas être mauvais, ça. Non. Mais il y a certainement un stage qui va s'ouvrir au gouvernement, honnêtement, là. Stagiaire au PQ, oui. Pas mal là qui est rendu. En oui. Plus, je pense que tu perds toute ton ancienneté quand tu t'en vas. Hein? Après ça, tu recommences au début. Il recommence en bas de l'échelle, ben, même en dessous. Ah, ouais, c'est ça. Ben non, mais on va se dire, ça n'a pas été facile pour les petits partis, cette élection-là. Non, ça n'a pas été facile. Puis même Québec solidaire, hein, je veux dire, écoute, 6% de vote dans toute la province, c'est pas beaucoup, mais au moins, il y a Françoise David qui va faire son entrée comme députée. C'est quand même pas mal, ça. Ouais, ouais. Ah, ben, ouais, ouais. 6 minutes, en fait, 6%, c'est 6 minutes de questions par mois. Hein. Ouais. Ça progresse, mais ouais, lentement. Mais tant que c'est pas Emmanuel Latraverse qui pose des questions, il va avoir du... Il va avoir du temps pour faire passer les idées. 6 minutes passées pour une question. Non, c'est ça. Mais là, ce qui va être excitant, évidemment, c'est la composition du Conseil des ministres. Ça va être capoté. Évidemment, il y a des évidences. Il y a Véronique Yvon qui va être au ministère de la Justice. Ouais. Enfin, on imagine. Il y a Régent Hébert à la Santé. Il y a Yves Desgagnés au ministère de la Sécurité publique. Ouais. Il n'a même pas été élu. Ben là, l'entente, c'est bien la seule affaire qu'il n'a pas faite cette semaine, honnêtement. Là. Je veux dire. Il y a Bernard Drinville aussi qu'il va falloir caser. Ça ne sera pas facile. Ouais. Ça va prendre une grosse case. Oui. Avec un séchoir dedans. Non, il faut, ben oui, il avait cheveux mouillés après son élection, ah ouais, lui. Hein. Écoute. T'es content. Ouais. Je pense qu'il a fait de le jogging tout autour. Ouais, ouais. Il a pleuré par en haut. Il s'est compressé, ouais. Non, mais je pense que Bernard Drinville, il pourrait aller aux affaires internationales, ce gars-là. Ouais. Hein, il serait tout le temps en voyage. Il se ferait moins de chicane au PQ. C'est pas fou, ouais. Pauline n'irait pas ça, je pense. Il y a aussi Jean-François Lisée, qui va sûrement avoir son ministère. Oui, hein? Le ministère de la complaisance. Oui, c'est... Sûrement, mais j'y pense, dans le fond, là, je me demande si un ministère, c'est assez pour Jean-François Lisée. C'est pour les mortels, ça, les ministères. Pour les mortels, c'est ça. Tellement facile, un ministère. C'est niaiseux. Il y a aussi la course à la chefferie des libéraux qui va être intéressante, ça, c'est clair, ouais, la prochaine année. Là, ouais. Ils n'ont pas trop de vedettes dans le parti, par exemple. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Pierre Moreau. Ben, il y a Sam Hamad aussi, Sam Hamad. Ben, non, il y a quand même. Là, il n'y a jamais un clown qui a dirigé le Parti libéral. Là. Ben, Parti libéral, oui, là, Stéphane Dion. Gars, je lance ça de même, là. Long shot. Mais je pense qu'ils vont aller piger à l'extérieur du parti, honnêtement, c'est ce que j'entends. Là. Ouais. Mais c'est plate qu'André Pratt soit autant charismatique qu'un géranium. Hein? Ouais, c'est vrai. Un géranium sauvage? Non, en peau, je pense. Ça prendrait un gars comme Bill Clinton. Avez-vous écouté Bill Clinton à la Convention démocrate? Franchement, c'est extraordinaire. Non, non, franchement, puis lui puis Obama, là, réconcilié, les Républicains, là, ils doivent faire dans le short, honnêtement. Oui, ouais, mais c'est quand même étonnant qu'il donne son appui à Obama après ce qu'il a fait à Larry en 2008. Oui, ben là, c'est vrai qu'il avait empêché un peu l'accès à la Maison-Blanche, mais là, quand même. Là, si je comprends bien, dans le fond, là, c'est comme si Macacoto devenait premier ministre dans 4 ans puis qu'il empêchait Claude Blanchet de devenir ministre des Finances, genre. Êtes-vous en train de comparer Macacoto à Barack Obama? Oui. Puis votre lien? Ah, ben, il me semble que les deux sont musulmans, là. Clint Eastwood, il l'a dit. C'est ça. Je pense que vous écoutez trop la campagne républicaine, Fred. OK, ben, je pense que c'est le moment de présenter nos invités. Hein? Franchement, on passe à un autre sujet. On commence évidemment la soirée en force avec un vieux routier de la politique, Gilles Duceppe. Ben oui, Gilles Duceppe qui va venir nous voir. Absolument, vous pouvez applaudir. Et là, je vous vois fonctionner, là. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas chroniqueur, il est juste invité, hein? Et on le paye pas, on déduit ça du salaire de son directeur de campagne. Ah, ben oui. Fait que ça va s'égaliser à un moment donné. Et on reçoit également... Petite blague. On reçoit également Gabriel Nadeau-Dubois. Ah, ben hein? Lui, là, c'est rendu un chroniqueur. Ça fait 2 fois qu'il vient à l'émission. Ben oui, 3 en comptant le pilote, l'émission qu'on a faite. Ben oui, non, mais je suis pas certain, moi, que je serais prêt à engager un jeune qui part en grève pour une histoire c'est de petites piastres, là. C'est vrai. Moi, la génération Y, là, pas fiable, ce monde-là. Non, non. Mais regarde, on va y penser. On va prendre le temps d'y penser parce que la soirée est encore jeune. Bon! Encore merci d'être à l'écoute. Olivier Niquette, bonsoir. Oui. Pour ceux qui préfèrent les internets. Ben, ils peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée ou facebook.com/lasoirée ou peuvent se rendre sur notre site au radio-canada.ca/lasoirée pour lire tout plein de citations de gens qui ont manqué de jugement dans les derniers jours. Ah oui? Il y en a-tu? Quelques-uns. OK. Grosse semaine d'actualité cette semaine. Et c'est notre première semaine post-électorale. Ouais. Tellement là, qu'on n'a pas eu le temps de parler du gros investissement du gouvernement fédéral. Je ne sais pas si vous avez vu, près d'1 million dans une usine, de viande pour qu'il développe une saucisse. C'est pas une blague, là. Pour qu'il développe une saucisse qui n'éclabousse pas sur le barbecue. Hein? Non, c'est vrai. C'est 826 000 $. On sait à qui ça va profiter. Ben, qui? Ben, en tout cas. Ah, ben là, pas le docteur Barrette, toujours? J'ai rien dit! Franchement, Fred, c'est un running gag, hein? Ouais, non. Quoi qu'avec le docteur Barrette, c'est un walking gag. Plus, ouais. Bon, OK, non, regarde, on s'amuse, on est entre amis, là. Bon, toute l'équipe de la soirée est encore jeune et sous le choc, on vous l'avoue, depuis que notre chouchou François Rebello a perdu ses élections mardi soir. J'ai pas vu venir ça, moi. Hey, moi, ben, on l'a pas vu venir pendant toute l'élection. Non. Beau petit. Ils l'ont caché, si tu veux. Non, mais après être passé du mouvement étudiant au PQ, du PQ à la CAQ, qu'est-ce que l'avenir réserve à François Rebello? Hein? Ben, ça, évidemment, ça a inspiré notre palmarès de la semaine. Oui. Alors voici le palmarès des 5 choses que François Rebello pourrait faire de sa vie. Oui. Hein? En 5e position, enlever la doublure de sa veste. C'est vrai qu'en la gardant du même côté, on sait plus où il loge. Ah, ben là, il loge pas vraiment. Là. C'est comme plus un sans-abri. Ouais, c'est vrai qu'il loge plus fort. En 4e position, fonder un nouveau parti avec Jean-Martin Hossan. Ah. C'est bon, ça. Ça pourrait s'appeler Option provinciale, quelque chose de même. Non, moi, je pense que c'est plus de moins en moins d'options. Point. Ouais. Hey, c'est pas fin, ça. En 3e position, ah, ça, c'est bon, ça. Devenir mime pour le Cirque du Soleil. Oui. Non, mais c'est vrai qu'il a développé une expertise dans le mutisme depuis le début de la campagne. Ouais. Il ferait un bon clown triste, lui. Ouais, je trouve ça, moi. En 2e position, retourner aux études. Puis c'est pas fou, ça, avec l'annulation des hausses, là. On va pouvoir se le payer. Surtout qu'il est spécialiste des placements éthiques, ça doit pas faire des gros salaires, ça. Non, ben, c'est clair, ça. Et évidemment, le meilleur endroit où pourrait se retrouver François Rebello, chroniqueur à la soirée, est encore jeune. Oui. Ben oui! Fait un mois qu'on parle de lui. On l'a mis sur la map. Ben, mais... En plus, il va pouvoir dire plein de vacheries sur toutes les parties. Il a tout fait. C'est vrai! Hey, puis il doit connaître ça. Ça, c'est le fun. C'est vrai que ça va être le fun. Fred, notre premier invité. Ancien chef du Bloc québécois, notre premier invité a passé près d'être chef du PQ et chroniqueur à Radio-Canada. Ce soir, il est avec nous au moins pour 1 heure. Accueillons M. Gilles Duceppe. Allô, allô. Ah! Monsieur Duceppe, est-ce que je vous offre une bière? Non. Vous êtes sûr de ça? Sûr. Parce que les invités qui n'acceptent pas de bière à notre émission, normalement, ça va assez mal. Vraiment? Ben, donne-moi un. Une blonde ou une rousse? Une blonde. Ah oui, hein? Ben oui. Ma femme est rousse. Ah, ça, c'est ça, fait changement. Allez voir. Pauline est blonde. Ça va s'égaler. Ben oui, ben oui. Hey, ben, on a eu des belles élections. Hein? On a eu une belle campagne électorale. C'était plus mouvementé que j'aurais cru. Ben oui. Que, ben, jusqu'au débat, mais il faut dire qu'après le débat, les gens revenaient de vacances aussi. Ah, c'est ça le problème. Et le suspense, c'était plus fort que je ne le prévoyais. Madame. Qu'on le souhaitait, on dirait peut-être même. Ben, j'aurais souhaité mieux. Oui, c'est hein? ça. Ouais. Hey, mais on regarde, mais quand même, c'est Pauline qui est au pouvoir. Pauline Marois devient première ministre. Ça aurait pu être vous, hein? Ben, répète-moi. D'abord, disons que ça a mal été la dernière élection fédérale, d'un. D'autre part... Ben, ça a mal été. Ouais, oui, je pense que ça a mal été. Non, non. Ah, les gars, vous voyez ça plus mal que ça, dites-moi. Vous avez gardé 4, quand même pas fait. Ça aurait pu être 0, tu sais. Ah, c'est ça, mais veux dire, ça mettons que ça a mal été. Oui, non, c'est clair. Deuxièmement, moi, j'ai été en contact avec Pauline de tout ce temps-là. Quand vous voulez dire contact, téléphone ou contact? Téléphone et on s'est même rencontrés en vacances. On a... Par hasard ou? Non, ça a prévu. On était dans le même coin. Okay. On était à la période des fêtes. et par la suite, ben, y a eu cette histoire à Ottawa là, qui laissait entendre que je. Ben oui, ben oui. Ah, puis ça, on va régler ça. Comme je vous dis, je vous invite à chaque fois. C'est 150$ de la shot. C'est ça. À un moment donné, ça va être remboursé. Là. Ben, oui. Mais, mais sur ça, à ce moment-là, j'ai dit tant que c'est pas réglé, moi, là. Il n'y a pas question que j'aille en politique. Je veux que ça se règle. C'était urgent en décembre, là. C'était pas encore réglé maintenant. Non. Ils ont changé le règlement le 1er avril, disant que dorénavant, c'était illégal. Moi, j'en conclue qu'avant, ça ne l'était pas. Ben. Et puis, le conseil de presse a blâmé la presse. Mais c'est sorti en page 28, en tout petit. En ouais, ça nous intéresse pas vraiment. Ça n'a pas fait la première page. C'est pas super intéressant. J'ai pas vu ma face en première page. Mais là, si on calcule, ouais, un gouvernement minoritaire, ouais. Ça dure 18 mois. Après ça, une course. Fait que là, vous avez à peu près 18 mois pour régler ça, là, avant de vous lancer une course. Moi, je vous dirais là, que pour moi, ça va durer à peu près 2 ans. Il y a une course à chauffer chez les libéraux. Oui. Donc, ils voudront pas d'élection tant qu'ils n'ont pas de chef. Non, mais sauf que, je veux dire, ça prendra pas le temps comme le Parti libéral du Canada. Non, soit ils vont faire ça plus vite, puis... Mais je pense que les libéraux, pas de chef, feraient de très bons résultats quand même. Oui, mais visiblement, c'est... Mais cela étant dit, ouais. Il va y avoir, moi, je pense, une période où, sur beaucoup de sujets, 20-25 sujets, là, il y a unanimité au Québec. Unanimité, quand c'est Québec solidaire, la CAQ, le PQ, le PLQ, quand tout le monde est d'accord. Puis nous, on le sait, on amenait ça à Ottawa. Et là, à Ottawa, ils vont devoir réagir. On va voir ce qu'ils vont dire, mais ça, Pauline Marois peut jouer sur ça, des consensus, que les armes à feu, les jeunes délinquants. Tu sais. Justement, là, les relations avec Ottawa, ça va être quoi, ça, avec Pauline Marois qui est au pouvoir? Bon, évidemment, on parle d'une majorité, en tout cas, d'une minorité de 4 députés. Ouais. Pas beaucoup, hein? Non, c'est pas beaucoup, non. Mais il y a moyen d'aller chercher des ententes avec les uns et les autres. Ouais. Par exemple, l'affaire sur la santé, là, la taxe, qui pour moi n'est pas juste du tout, mais la CAQ veut l'enlever aussi. Mm-hmm. Ça, ils vont pouvoir gérer avec la CAQ. Renforcer la loi 101 et les trois autres partis sont d'accord pour renforcer certains aspects de la loi 101. Ils vont le faire. Bon, tu sais, il faut... Fait qu'on a deux ans. Non, t'as pas le choix. Bon, Il y a deux ans. On vous reçoit dans 2 ans en tant que chef du PQ. Parfait. Vous avez évidemment joué un rôle dans l'élection actuelle. On dit que vous avez d'ailleurs été le mentor de Léo Bureau-Blouin. C'est vrai, ça? Non, je ne dirais pas ça. Non. J'ai travaillé, moi, avec Martine Desjardins et Léo Bureau-Blouin. Ah, ben essayer de trouver une façon, des économistes. On était bien près de la trouver, hein? Ah ouais, ben, c'est le maudit Gabriel encore qui m'a... Non, regarde, on va le savoir tantôt. Là. Bon, vous dire, d'abord, j'admirais, moi, les jeunes. Oui. Parce que quand la jeunesse parle plus, c'est la société qui s'asphyxie. Ouais. C'est important que la jeunesse parle. Ils peuvent se tromper. Mais okay. Ça, je trouve mais ça important. Mais ça, une fois, si tu tombes jamais, c'est que tu n'as jamais rien fait. C'est moi, important que la jeunesse parle. Ça, vous avez raison. Et là, moi, ça m'inquiète parce que j'ai reçu Léo récemment. Il parle plus bien. Non. Puis, mais j'ai entendu durant la campagne. Il m'a appelé tantôt, d'ailleurs. Arrêtez donc. Ben oui, j'avais Là. J'avais laissé un message pour le féliciter, puis il m'a rappelé, mais... Il vous rappelle tard? Moi, je suis pas... non, mais il est occupé, là, ben je comprends oui, on est vendredi, ça, c'est en baisse. Ben, ça m'énerve pas, ça. OK. Mais j'ai... surtout pendant toute cette période... De la crise étudiante, évidemment. Étudiante, sinon, j'ai donné un coup de main pour trouver du financement. Oui, oui. Bon. Ben, vous êtes bon et avec puis, ça. Et puis... pas pire. Ben oui, non, mais c'est ça, et puis après ça, je peux vous dire quoi, que j'en ai fait dans ma vie. Puis... oui, on imagine, hein? Ça rapporte pas beaucoup pour moi, mais ça a aidé le monde. Non, mais... Et cela étant dit, par la suite, j'ai donné un coup de main au Parti québécois dans certains comtés. Je fais du porte-à-porte avec Jean-François Lisée, des choses semblables. Y'a-tu fait, Jean-François Lisée? On l'a eu la semaine passée. Il était un peu prétentieux. Il dit, même lui, il l'avoue. Ben oui. Ben, je veux dire, ben, bon, moi, il m'a dit, en tout cas, qu'il n'allait pas là pour l'argent. Il allait là pour la gloire. C'est lui qui me l'a dit. Ben oui, mais non, mais en même temps, c'est comme... D'ailleurs, quel ministère? Il va être à quel ministère, Jean-François Lisée? Il y a bien, ministère du premier ministre? Ah non, c'est déjà occupé, ça. Je le verrais bien, moi, pour la ville de Montréal, ministère de la métropole. Ah, ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est intéressant. Ah, ouais, ouais. On pourrait être aux affaires internationales, aux affaires intergouvernementales. Bon, on pourrait mettre, tout à l'heure, vous parliez de deux ministères. Ben ouais, écoute, on pourrait mettre les deux ensemble, internationales et affaires intergouvernementales, parce que le Canada, c'est un autre pays. Oui, mais là, c'est parce que international... Puis intergouvernemental. Mais là, international, vous êtes poigné pour avoir Drainville ici, là, puis personne ne veut ça. Ça, ben... Oui, c'est ça, on en parlera tantôt. Pendant la campagne, évidemment, on vous a vu apparaître, en fait, durant la campagne électorale, alors que vous avez... Vous étiez fâché noir quand Amir Kadir. Ah, ben ça, moi, vous expliquer. Ah! C'est ça, je suis content de pouvoir l'expliquer. Ben oui. Parce que je l'avais fait à Anne-Marie Dussault, Radio-Canada. Oui, oui. Et quand j'ai donné cette entrevue à Presse canadienne, je vais dire la même chose que j'ai dit il y a un an, j'aime pas ça me dédier. Ben non, je comprends. Donc, moi, c'est pas parce qu'Amir... Amir s'est déjà présenté pour le Bloc. Ben oui, je sais. Un fou de poche. Après ça, avec... avec Amir... qui vote pour le NPD, c'est son droit. Moi, mais vous étiez un peu fâché. Non, mais laissez-moi finir. Ah, ben oui, je vais ça finir. Ça. Pour une fois que j'ai l'occasion de le faire. Ouais, ouais. Ben, je ne l'ai pas fait durant l'élection. J'ai dit c'est pas le temps d'alimenter la bête. Ça va devenir un enjeu. Je le ferai après. Ben non, c'est j'ai ça. L'occasion. C'est ça. Je le ferai. Enfin, c'est fait à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez? Non, non, mais qui vote NPD, c'est son droit. Ben, je suis pas d'accord, c'est son droit. Qui organise contre moi, je suis pas d'accord, c'est son droit. Il a organisé contre vous. Mais ce que j'ai pas accepté, c'est que le soir de l'élection, j'en ai mangé une. Habituellement, je couche à l'hôtel, donne une conférence de presse. Là, à 1h du matin, il y a un téléphone. Moi, j'étais parti chez nous, je n'avais assez. Ah oui? Et le lendemain matin, il a téléphoné à 9h chez nous, ami. Yolande a dit écoute, je sais pas si tu avais une nouvelle hier, mais il y avait une élection, il en a mangé une maudite, puis il dort, là, il a pris du temps. Il va t'appeler en se levant. Je l'ai appelé à 11h. Là, Amir me dit Gilles, faut que je te voie, je suis tellement désolé. Il faut écrire un texte, toi puis moi, de stratégie, une nouvelle stratégie souverainiste qu'on fait paraître dans 48 heures. J'écoute, Amir, avant d'écrire un texte, une nouvelle stratégie, moi, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Oui, ben non, mais c'est. Il me semble que c'est normal. Ben non, je comprends. Et une semaine après, Amir publie un texte disant qu'il est bien content qu'il a voté pour mon adversaire, puis. Et que c'est une bonne chose que les autres soient élus. Là, j'ai dit, moi, j'appelle ça des faux frères. Ouais, ouais, ouais. Alors que Françoise David est venue c'est manger chez moi. Non, elle est venue manger chez. Non, pas d'accord, on a des divergences, mais je la respecte. Françoise est venue manger chez nous 10 jours après l'élection, au mois de mai. On s'est parlé, on dit on diverge d'opinion, mais on se respecte. Mais moi, je ne suis pas capable de fonctionner avec quelqu'un qui te dit je suis avec toi, on fait quelque chose de neuf, puis tu apprends des coups qui a fait le contraire. Ça ne marche pas. Moi, dans mon livre, c'est bien de valeur. Puis certains si vous le disent, il ne faut pas le dire. Puis ben si moi, vous voulez une autre note dans votre livre... Je pense ce que je dis, puis je dis ce que je pense. C'est gardez votre livre ouvert, vous prendrez une autre note. Il est venu à cette émission-là en sandales en bas. C'est un problème avec ça? Oui, il y a un gros problème, ça va pas pendant tout. Et pas de bas, vous? Non, ben justement, j'ai pas de sandales, franchement. Êtes-vous en train de me dire que vous mettriez des bas si vous aviez des sandales? Non! Mais non, c'est un majeur faux pas. Cela dit, justement, bon, Amir... On parle des pieds. Oui, mais ici, ça sent bon, par exemple. Ça sent bon. Vous vous dites justement qu'Amir a voté pour le NPD. Je regarde assez, pareil que votre fils a voté pour Option nationale. Oui, c'est maudit, ça. T'as on a de bonnes relations, mon fils et moi. On peut diverger d'opinion. Il va t'écrire un texte dans le journal dans 2-3 jours? Ben, il a écrit un texte, justement, l'affaire qui concerne Radio-Canada et Fabienne Larouche. C'est lui qui a écrit « Je persiste et signe ». Putain, c'est de famille, ça. Fait que c'était bon, le jeu de mots « Je persiste et signe ». Ben, il a eu du courage, il l'a fait. Puis, il reconnaît que les uns et les autres ont des torts, mais je pense, plutôt que de rester dans l'ombre, il a dit « Moi, je vais dire ce que je pense ». Non, non, c'est ça. C'est de famille, mettre le trou, qu'est-ce que tu veux. Jean Charest... On l'assume. Jean Charest a démissionné au lendemain de l'élection, évidemment, et de son poste de chef du PLQ. Vous avez aussi démissionné de votre poste de chef du Bloc québécois au lendemain de l'élection. Mais on m'a démissionné, papa. Oui, ben, c'est comme... Quand tu perds, tu finis à 4. Disons que la porte t'a ouverte. Bon. Est-ce que vous pouviez comprendre comment il se sentait, Jean Charest? Oui. Et moi, vous dire, on se moque beaucoup des politiciens et tout ça. Pas tant que ça. Mais pas tant, mais moi, vous dire que je connais beaucoup d'animateurs et de journalistes qui en coinent pas mal moins dur que nous autres. Ah, critiquent un petit peu, puis ils lèvent. Ça fait partie de la démocratie. Nommez pas non, Pierre Duchesne n'a pas raison d'être nommé ici. Mais dans la vie de tous les jours, moi, j'ai connu tous ces gens-là. On a des rapports qui sont corrects, même si on diverge fortement d'opinion. Ça, c'est la beauté de la démocratie. Ils divergent, c'est beaucoup, quand même. Oui. Un essai. C'est le premier essai. J'ai joué au football longtemps. Merci, Fred. Non, mais c'est quelqu'un qui est fort aimable dans la vie privée, je pense. On l'a vu très ému quand tu as parlé de sa famille. Et ça, c'est jamais facile. T'as préparé. sais, tu fais. Moi, j'ai fait 15 débats des chefs. Mm-hmm. Tu sais, je suis dans le Guinness. Sur ça. Oui, ben oui. 15. C'est un des bons, d'ailleurs. C'est dur. Ouais, ouais. J'aime mieux en anglais parce qu'en anglais, j'ai compris tout. En français, j'ai compris pas tout. ça marchait mieux en anglais, ça soignait. C'était-tu Yves Desgagnés qui vous. Non, mais une fois avec Alexa McDonough, elle parle, puis elle a dit. Elle parle de quoi, la madame? Puis moi, il faut que j'y réponde. Ben ouais! T'sais, tu sais, si une demande répétée, t'as l'air prétentieux. Ben. Si tu réponds à une affaire qui n'a pas. À la fin, elle dit logement social. Il restait 30 secondes. L'eau me tombait dans le dos. J'ai dit, elle parle du logement social. Bon, M. Duceppe, vous restez avec nous, M. Duceppe. Vous le savez, hein, peut-être, mais Jeff Lyon avait annoncé, évidemment, sur Twitter avant les élections qu'il allait quitter le Québec si le Parti québécois prenait le pouvoir. C'est une grosse perte. Ben ouais, mais le PQ a effectivement pris le pouvoir. Mais Jeff Lyon, ben il est encore là. Donc, à la soirée, il est encore jeune. On a on pensé. On va mettre un X, son nom. On a pensé à une entreprise qui pourrait y donner un coup de main au bon Jeff. On l'écoute. Si Jeff Lyon veut déménager, il y a juste à faire le 937-0707. J'haïs PQ, mais je suis en crise contre la CAQ. Y'a Yves PQ, il est en crise contre la CAQ. Qu'il fasse ses boîtes pis qu'il mette sa pancarte. Si Jeff Lyon veut déménager, il y a juste à signaler pis on va être débarrassé. Bon! Je sais pas pourquoi vous applaudissez. Hein? Je ne sais pas. Mais non. Ce que vous savez déjà, c'est que c'est un journaliste d'exception, un intellectuel de haut niveau, un penseur engagé. Ce que vous ne saviez pas, c'est que c'est aussi un grand philanthrope, un homme d'une générosité inégalée, un être qui n'est heureux que lorsqu'il donne au suivant. Alors aujourd'hui, il a décidé d'aller aider gratuitement pour le simple plaisir un jeune homme qui en a bien besoin. Jean-Sébastien Girard, bonjour. Bonjour, mon bonjour Philippe. Et qui vous vouliez aider comme ça aujourd'hui? Ben, j'ai voulu donner un coup de main à un jeune décrocheur hein, qui vient tout juste de se trouver un nouvel emploi à Laval. Évidemment, il faut commencer quelque part, comme on dit. Je suis venu l'aider à transporter ses boîtes et à s'installer dans son nouveau bureau. Et ce jeune garçon, c'est nul autre que Léo Bureau-Blouin. Bonjour, Léo. Bonjour. Alors, tout d'abord, avant de se mettre au travail, de vider tes cartons, je veux savoir comment tu vas, mon bonhomme. Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu commences à réaliser que tu vas scraper les plus belles années de ta vie? Très heureux, très content, et j'espère que ça va être des belles années. C'est vrai, donc pour le moment, pas trop de pression, pas l'intention de voler un manteau chez Eaton. Je résiste toujours. Parfait. Donc là, on est dans ton bureau à Laval des Rapides. D'ailleurs, c'est ton bain beau, Laval des Rapides. Je comprends absolument pas les jokes qu'on fait sur ce quartier-là. J'ai croisé 12 belles provinces sur mon chemin. T'as tout ce qu'il te faut ici. Tu vas manquer de rien. D'ailleurs, et je sais pas si tu t'en souviens, t'as promis à tes électeurs de déménager ici si t'étais élu. Ma question, est-ce que tu réalises que t'es dans marre? J'ai pas fini mes recherches, là. Je suis toujours dans les petites annonces, mais il y a des beaux coins aussi. Split level? Aussi. Je suis pas rendu là encore dans mes recherches. Parfait. Alors, on va développer tes affaires un petit peu pour s'installer. Oh, ben c'est donc ben cute. Là, ici, on a un cadre avec une photo de tes parents, parce que probablement tu vas t'ennuyer d'eux. C'est la première fois que vous allez être complètement séparés des journées entières. Non, je suis pas dans la neige, il y a plus longtemps. Excellent. Sinon, ben voyons donc une belle photo de Stéphanie. Colin, qu'elle est belle. Ça, c'est la femme que t'aimes, Léo, hein? Oui, ben, elle m'a beaucoup supporté dans ces derniers mois. C'est vrai? Vous êtes toujours ensemble? Oui, toujours. Oui. Elle va faire quoi quand tu vas être à Québec? Ben, elle va travailler. Elle va vivre à Laval seule, la pauvre. Okay. Bon, juste pour lire la biographie de Marguerite Trudeau, ça va être correct. Sinon, t'as plusieurs chemises ici. Sont donc ben belles. Tu t'en viens coquin, mon Léo, hein? Tu vois où t'es pas mal plus looké qu'au printemps? Oui, je fais attention à mon apparence. Surtout, je me suis acheté des nouvelles chemises parce que les députés ont commencé à déchirer les leurs en période de questions à l'Assemblée, donc pour en avoir de rechange. C'est bien envoyé. D'ailleurs, est-ce que tu es jaloux un petit peu que ce soit Gabriel Nadeau-Dubois que Xavier Dolan ait envie de frencher? Est-ce que ça te blessait cette histoire-là, Léo? Ah non, je lui laisse, il n'y a pas de problème. Quelle générosité! Maintenant, on pourrait peut-être accrocher tes diplômes. Je sais pas. Oui, ben non, t'en as pas de diplôme, excuse-moi, mon grand. Maintenant, il y a ici ton ordinateur. Donc, je vais t'aider avec tes branchements. Là, il faut laisser un petit peu les réseaux sociaux. Hein. T'es un législateur, Léo. On te paye pas juste pour partager des photos drôles, mon canard, c'est promis? C'est promis, parfait. Alors, Jean-Philippe, si vous le permettez, on va installer son ordinateur. Pendant ce temps-là, Léo va aller s'acheter une slush. Et je reviens dans quelques minutes. Merci, Jean-Sébastien. À tout de suite. Et que c'est bon. Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier, une émission qui unit les gens sur la première chaîne. Ben, je sais pas si vous allez être aussi drôle, hein, Fred. Ça va être tough. Ça va être difficile, allez-y donc, voir. Alors, comme vous l'avez dit, oui, une très grosse semaine. Et ben, vous me permettrez de ne pas commenter les événements sombres qui se sont déroulés plus tôt cette semaine. Et surtout, de ne pas souffler sur les braises. Chose que bien des commentateurs jambon devraient faire également. L'étendue de leur mépris peut certainement s'arrimer sur autre chose que les accusations crasses qu'ils lancent depuis mardi. Et avis aux gens de la Société Saint-Jean-Baptiste qui voient du Québec bashing partout au Canada anglais. Pas besoin d'aller si loin. Nos médias francophones s'en occupent avec un brio qui fait peur. Non! J'ai plutôt envie de rendre hommage à Jean Charest cette semaine, lui qui a annoncé sa démission mercredi. J'ai envie de me joindre à la chorale des pleureuses qu'on a pu entendre tout au long de la semaine parce que derrière Jean Charest, il y aurait un être humain, paraît-il. C'est pas mal ça que j'ai retenu. Mais quand même, 28 ans de carrière en politique, faut le faire. C'est quand même un fait d'armes que seuls des hommes de la trempe de Maurice Duplessis peuvent revendiquer au Québec. Ça nous fait un beau panthéon. Mm-hmm. Alors, allons-y donc d'une rétrospective de sa formidable carrière politique. Carrière qu'il entend chez les conservateurs à Ottawa, à une époque où ce parti croyait encore que le progrès s'effectuait par en avant. Élu une première fois en 1984 dans la circonscription de Sherbrooke, la même année où moi-même, alors jeune adolescent, rachitique mais boutonneux, je faisais du bénévolat pour la campagne de Jean Lapierre, alors candidat libéral dans la circonscription voisine de Sheffield. Oui, oui. Vous? Oui, j'en garde un souvenir impérissable, bien vous que j'étais pas beaucoup, si jeune et franchement un peu épais. Nommé ministre d'État à la jeunesse en 86 et ministre des Sports en 88, c'est 24 ans plus tard que sa seule réalisation à ces deux ministères se concrétisera, faire de la marche nocturne dans les rues de Montréal le sport national de la jeunesse québécoise. Il sera ensuite ministre de l'Environnement en 91 et participera avec Lucien Bouchard aux négociations préliminaires pour intégrer le Canada à l'accord de Kyoto. Il faut quand même avoir un sens du devoir développé pour accepter de faire des préliminaires avec Lucien Bouchard. Il a été également un des partisans de la construction de l'accord du Lac Meech, ce qui révèle moins des préliminaires que du coït interrompu. Après la démission de Brian Mulroney comme chef du parti en 93, il terminera deuxième à la course à sa succession derrière Kim Campbell, qui devient de facto première ministre du Canada. Mais les élections balayeront les conservateurs de la carte, leur laissant seulement deux députés élus sur 295 circonscriptions. Ça, c'est une plus grosse torche que la vôtre, M. Dussé. Oui. Ah ouais, c'est... Quand même. Je suis pas dans le Guinness pour ça. Il devient chef du parti en 95, un emploi peu convoité à l'époque, un peu comme l'emploi de sondeur électoral aujourd'hui. Il fait le saut en politique provinciale en 98 en succédant à Daniel Johnson fils. Il réussit à unifier un parti qui n'était même pas divisé, ce qui est toute une réalisation. Il faut l'avouer, sous son règne, le Parti libéral aura fait preuve d'une unité et d'une absence de dissension digne des régions communiste. Tu sais, quand Pierre Paradis est considéré comme un rebelle, là, c'est que tu fais l'unanimité pas à peu près. En 2003, il remporte sa première élection à la tête d'un gouvernement majoritaire avec comme promesse de réduire la taille de l'État, réformer le système de santé et geler les frais de scolarité. Je répète, geler les frais de scolarité. Non, à la maison, vous avez bien entendu, vous n'êtes pas gelé. C'est à cette époque que des méchants souverainistes insistent pour colporter que son vrai prénom n'est pas Jean, mais bien John James. Même le suave Marc Bellemare, qui est sous le coup d'une poursuite de 700 000 intentée par Charest, tente de l'invalider, prétextant que le nom qui figure ne serait pas le vrai nom du premier ministre. Le stratagème ne fonctionne pas et Bellemare est en beau bastarache depuis. Réélu minoritaire en 2007, Jean Charest en profite pour réduire le cabinet à 18 ministres, comprenant autant d'hommes que de femmes, et ça, sincèrement, faut le souligner. Ouais. Dans un élan des plus cyniques, il convoque encore les Québécois en élection l'année suivante et remporte une courte majorité, et c'est pendant ce dernier mandat qu'il fera ses trois plus grandes réalisations en carrière. Mmh. La première, la construction d'un amphithéâtre moderne pour la ville de Québec, où les vedettes de Québécois pourront se produire dans des installations gratuites et modernes. Sa deuxième réalisation, le plan Nord, qui permettra d'améliorer le niveau de vie de millions de Chinois qui profiteront de ressources naturelles à bas prix. Et sa dernière réalisation, la loi 78, qui a ramené l'ordre dans la population. Et là, ça, faut le dire. Quand on pense que pas plus tard qu'au printemps dernier, un pétard de fumée dans le métro était considéré comme une attaque terroriste et que maintenant, un attentat politique est considéré comme un geste isolé, je pense qu'on peut parler d'amélioration du climat social. Faut remercier Jean Charest pour ça. Et comme le disait si bien M. Barrette, « The president has left the building ». Merci, Jean. Ben merci Fred, finalement, c'était assez drôle. On va retourner discuter avec l'ami Jean-Sébastien. Jean-Seb! Ah bonjour, toujours avec le petit Léo qui a la langue toute bleue maintenant. Je viens d'installer son ordinateur, je l'ai aidé à retirer certains sites de ses favoris. Et là Léo, si tu veux, on va ouvrir ta boîte de courriel pour voir si ça fonctionne. Et tablette, il y en a des gens qui décrivent mon Léo. Alors si tu veux, pour t'aider à sauver du temps, je vais lire tes courriels, tu vas utiliser cette tribune radiophonique pour répondre à tes électeurs. Premier courriel, allô ma crotte, t'es bien beau, j'aimerais bien que tu le saches. Est-ce que t'es conscient d'être un sexe symbole et est-ce que tu penses que t'aurais gagné quand même si t'avais le physique de Gaétan Barrette et le charisme d'Éliane Laberge? Ah! Oh. Ben, je pense que l'idée, c'est d'abord dans la tête. Je suis convaincu que les électeurs sont capables de passer outre le physique des candidats. Je parle d'une belle naïveté. Deuxième courriel. Bonjour, monsieur le député. Je suis le propriétaire du Fuzzy à Laval. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de nos soirées de pipe sur scène. Ça a beaucoup défrayé la manchette en mars dernier. Pouvez-vous nous aider à légaliser ces belles soirées qui font la fierté de Laval? Non, non, je vais regarder le budget. C'est recommandable. C'est vrai? Mon Dieu. Troisième courriel. Allô, Léo Blouin-Brathwaite. Devenir politicien en bas âge, c'est aussi courir le risque de devenir un jeune vieux comme Mario Dumont. À cet égard, est-ce que t'aimerais ça, toi aussi, dans 20 ans, faire de la démagogie à TVA et voir ta blonde animer une émission de bas culotte le matin? ça fait pas partie de mes ambitions. Je vais essayer d'être un peu moins tard. Bon, on est bien content. Alors, Léo, tu peux retourner jouer dehors. Moi, je vais préparer un petit jeu pour Léo. On se retrouve dans à peu près une quinzaine de minutes. C'est merci, Jean-Sébastien. Merci. Merci, hein. À tout de suite. Hey, mais, hein. Fred, notre deuxième invité. Co-porte-parole de la classe à la retraite, notre deuxième invité rédige actuellement un livre sur le conflit étudiant. Tant qu'après Cécile Citron, il pourrait composer une comédie musicale sur le sujet. Accueillons Gabriel Nadeau-Dubois. Ah, ouais, viens ici. Viens ici. Gabriel, comment allez-vous? Ça va de mieux en mieux. Oui, ça fait souvent. On vous reçoit, c'est la troisième fois, en fait. Ben, c'est vous qui m'invitez. Hein? Ben oui, non, je sais bien. D'ailleurs, je sais bien, qu'est-ce que vous voulez. Je vous offre une carte de fidélité. La soirée est encore jeune. Oh oui, wow, j'ai trois poinçons. Il y a trois poinçons. Au cinquième, vous avez une carte d'accès de Radio-Canada. Place, non, non ben, place, vous avez une carte d'accès de Radio-Canada qui fonctionne aussi comme carte de membre du PQ. Oui. OK, ouais, ça marche. Ben, les cartes automatiques. Ben, justement, j'y pensais, c'est pour ça que j'ai pas de carré rouge. Ben oui, vous avez les gens ne peuvent pas le voir à la maison. Comment ça donc? Sans vue. Ben, le PQ, j'y pense. Fait que je commence par enlever le carré rouge. Ça fonctionne au PQ. Vous avez entendu le petit Léo, hein? Est-ce que vous voulez une bière, Gabriel? Oui, s'il vous plaît. Ben oui, c'est ça. Ça va me faire un grand plaisir. Ben oui, t'es arrivé à 18 ans, toi, depuis qu'on t'a reçu la première fois. Ça fait quelques jours, oui. Non, mais alors... Ben non, vous êtes majeur, maintenant, vous ben voyez. Oui, vous avez fait tomber Lynn Beauchamp, hein? Michel Courchesne, le gouvernement libéral et maintenant Jean Charest. Votre haine va s'arrêter où, Gabriel? Ben, je pense que ma prochaine cible, ça va être Stephen Harper. Ça va peut-être être encore plus rassembleur au Québec. Vous êtes insatiable. Ben j'aime ça. J'aime bien la justice. Donc les gens qui créent de l'injustice, j'avoue que je les trouve souvent pas sympathiques. Et puis l'objectif, c'est jamais les individus, évidemment, plutôt les idées qui les véhiculent. Et puis Monsieur Harper, j'avoue que j'ai commencé à avoir quelques dents contre lui. Oui, c'est vrai. Bon Dieu, ben, c'est vrai qu'il y a une victime après l'autre. Ouais. Qu'est-ce que c'est de même. Ça doit être la génération grecque. Hein. Ouais. Jamais satisfait. Consommation. Vous avez démissionné de votre rôle de porte-parole de la classe le 9 août dernier. Ouais. Ça a été une grande surprise pour plein de monde. Hein, quand même. Et vous vous êtes imposé un certain silence. Ça n'a pas dû être facile. Ben j'ai eu beaucoup de demandes. Les gens voulaient entendre ma version des faits, voulaient savoir les raisons de ma démission. Mmh. Je pense que j'étais assez complet dans ma lettre. Depuis, je ne faisais pas d'apparition médiatique, mais là... étant donné le livre qui est sorti le lendemain des élections, je fais la tournée quoi, pour parler de ce joli bouquin. Le souffle de la jeunesse, donc, et vous en faites la postface. Tout à fait. Et c'est pas mal tout ce qu'on va dire là-dessus. Bon! c'était pas ça le deal, hein? Non, c'était pas ça le deal. OK, on va en parler un petit peu plus. OK, merci. Dans la postface, vous n'hésitez pas à critiquer là-dedans le PQ. Hein? Oui. Et votre collègue Léo Bureau-Blouin. Dites, là, je vous cite, « Le PQ a beau recruter d'ex-leaders étudiants comme candidat vedette, il aura échoué et échouera toujours à incarner véritablement les aspirations de la jeunesse du printemps québécois. » C'est des critiques assez rudes, ça, pour... Je pense que la mobilisation qu'on a vue ce printemps a posé des questions assez profondes, mm-hmm. qui a remis en question plusieurs aspects de la société québécoise. Je vais donner un seul exemple. Ouais. Il y a une des critiques de la jeunesse, je crois, puis il suffit d'être allé dans une assemblée générale pour le voir, c'était la même. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans les assemblées générales. Ça dépend. Ouais. On n'a pas tous 18 ans devant nous. Hein. Ça dépend quel média on écoute. Ouais. Mais une des critiques, c'était la démocratie québécoise, comment elle fonctionne. Et puis, moi, je suis personnellement très déçu d'avoir vu que le Parti québécois a retiré la représentation proportionnelle de son programme. Mais vous dire ça, je pense que ça va un peu à contre-courant. C'est une bonne chose, parce que là... Mais ça dépend si on le voit d'un point de vue partisan ou d'un point de vue de démocratie. Pas nécessairement. Moi, j'étais en Catalogne. En 2010, lors d'élections. C'est proportionnel là-bas. Mais les citoyens et les citoyennes n'ont pas un lien direct avec la personne qu'ils vont élire. Ouais. Ce qui fait que je demandais, j'étais avec les gens qui sont les souverainistes catalans. Arturo Mas a été élu. J'ai dit à un des candidats, tu commences ta campagne quand? 48 heures avant la fin. Ouais. J'étais un peu surpris, là. Ouais. Alors pour moi, il faut trouver une nouvelle façon. Tout à fait. Certainement. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait avoir un régime mais proportionnel. Ça fait ça parce que ouais, si on regarde ce qui se passe en Israël, c'est la dictature des petits partis. Tout à fait. Et là, ça empêche tout règlement. En Italie, j'étais allé dans les années 60, ben, je suis plus vieux un petit peu. Là. Oui, et, à peine. Il est bien 1990. Dans deux semaines, il y avait eu trois gouvernements. Ouais. Il faut une stabilité aussi. Ouais. Donc, comment trouver... Moi, j'avais proposé un certain nombre de systèmes. À un moment donné, j'ai dit on devrait peut-être avoir 75 députés avec la forme que l'on a actuellement, une cinquantaine avec proportionnel pour tenir compte des régions. Et c'est sans compter le fait que si on se fait une pure proportionnelle, ça surreprésenterait les gens de Montréal. Ouais. Et ça, alors, c'est important d'avoir un système compte des régions. Puis je disais, regardons le résultat qu'il y a avec la forme traditionnelle, les 75, et supposons qu'il y a deux hommes pour une femme. À la proportionnelle, on devrait inverser. Le la résultat pour avoir deux femmes pour un homme. C'est des mécanismes. À ce moment-là, ça permettrait pratiquement l'égalité. Ça au... Est-ce que vous êtes en train de vous créer un parti politique, là? Non, mais je trouve ça intéressant. Pas un 13e parti de gauche. Mais on n'a pas besoin d'avoir un parti politique pour avoir des idées. Parce que là, il y a le NPD Québec qui s'en vient, là. Pour y être chef, puis co-chef, chose de même. Mais quand vous parliez du printemps des étudiants, moi, j'avais négocié pré-bourse en 68. J'étais vice-président des étudiants à ce moment-là. C'était 12 piastres à l'époque. Non, mais je disais, on avait fait une erreur. Si on avait indexé les prêts, les frais, les bourses, on n'aurait pas eu de crise aux 10 ans. Mais par ailleurs, on demandait la gratuité scolaire dans le temps. Et j'ai pas porté le carré rouge pour une raison. C'est que nous, on demandait la gratuité, mais on proposait un service civil obligatoire. C'est-à-dire que tu remets à l'État ce que l'État t'a donné. Tu n'as pas une des droits... T'as des devoirs. Ouais. Et on ne peut pas attendre en disant on va changer les impôts parce que d'une démocratie, ça peut être la gauche, ça peut être la droite. Si la droite est au pouvoir, les plus riches paieront moins. Peut-être que tu ne rembourseras jamais. Si tu veux rembourser tout de suite, bien, on te dit, toi, là, on a payé pour tes études, tu vas aller travailler dans telle région comme médecin à tel salaire. C'est un peu ce que Léo Groubloin fait. Ce qui se fait en Norvège, ce qui se fait en Finlande, mais tu remets tout de suite. Moi, si vous avez ça, moi, je suis prêt à porter le corps. Mais là, je le porte pas. Je trouve ça intéressant parce que vous êtes un peu... vous êtes sur la même longueur d'onde. Et là, je me rappelle quand même, lors de la crise, vous avez, Gabriel, vous ne vous êtes pas retenu pour critiquer M. Duceppe qui avait dit... je vais vous le rappeler, bougez pas. M. Duceppe avait dit, bon, les discussions avancent avec la FEC et la FEUC. Évidemment, ceux qui bloquent, c'est les gens de la classe. Et vous lui avez dit... Mais de quoi il se mêle, ce monsieur Duceppe-là? Bon, regarde, là, je ne vais pas y aller sur l'expérience nécessairement. La politique, là, mais de quoi il se mêle? C'est une des choses... C'est bien dur de parler à Gabriel, honnêtement. C'est une des choses qui m'a beaucoup agacé durant la grève étudiante. Ça a été le fait que, vous n'avez pas le monopole de ça, monsieur Duceppe, beaucoup de gens se sont invités dans le débat et ont essayé de... trouver des solutions mais à la place mal, des étudiants mais quand ça et va mal du gouvernement. Et vous n'êtes pas le seul à avoir dit ça, à avoir dit qu'il fallait écarter la classe pour régler le problème. Le problème avec cet argument-là, c'est qu'on représentait entre 50 et 70 énormément, mais c'est ce que M. Duceppe veut parler. Il est rouillé un peu. Non, je n'ai pas dit d'écarter. Moi, d'abord, je ne me suis pas invité. Les jeunes étudiants, je les avais rencontrés en novembre, 200 d'entre eux, à condition qu'il n'y ait pas de journaliste. J'avais exprimé ce qui s'était passé dans le temps, en 68, comment j'avais négocié, il y avait eu les occupations de cégep, d'université, comment j'avais vécu ça. Et par la suite, ils m'ont rejoint. Et là, j'ai travaillé sur un certain nombre de possibilités. Écoutez, un soir, on était rendu à 1 400 $, la ministre d'augmentation, puis les étudiants, vous étiez rendu à 1 225, la FEC et la FEUC. C'était pas loin, 175 $. Que je comprends. Moi, j'ai négocié des peanut shops, là. J'ai négocié longtemps, on règle ça, on le trouvait le 175. Les libéraux ne voulaient pas le régler. Ça, je les ai critiqués en premier. Et ce que j'ai critiqué au niveau de la classe, c'est de dire, un des porte-parole avait dit, c'était pas vous, je pense. Je ne sais pas, mais vous me le direz. Moi, je négocie pas, j'exige. Je dis, écoute, tu peux pas partir de même. Tu peux pas. Ça, c'était pas une déclaration de porte-parole, c'était l'extrait d'un document interne. Le problème avec ce genre d'intervention-là, c'est de penser que c'est le rôle des porte-parole que de faire des compromis, si compromis il y a à faire. L'enjeu, c'est que ce sont les assemblées générales étudiantes, puis on l'a répété à plusieurs reprises. Je vous écoute, Léo, par exemple, prenons cet exemple-là. Arrêtez de faire juste faisait des compromis dans les médias, bien, on s'est rendu compte qu'au fond, dans les assemblées générales de son organisation, ces compromis là n'était pas accepté. Alors, au fond, mais pour moi, il faut faire des compromis, pas des compromissions. Mais, c'est bien différent. Monsieur Duceppe, vous avez un flair politique, c'est clair, vous avez déniché Léo. Là. Gabriel, il serait bon, il me semble, je veux dire, il débat extrêmement bien. Moi, j'ai trouvé là, que les jeunes, c'était extraordinaire, je le disais tantôt. D'abord, on disait tous que, j'ai entendu ça combien de fois, les jeunes ne savent pas s'exprimer. Ouais. Pas. On a trouvé des jeunes qui s'exprimaient de façon extraordinaire, ça a surpris tout le monde. Ça, là, c'est un plus. Que les jeunes s'expriment et fassent des erreurs, moi, je l'ai été, là, j'en ai fait des erreurs, mais si tu ne fais rien, tu n'en feras pas. Alors moi, je trouve que c'est extraordinaire que la jeunesse se soit exprimée. Il ne faut surtout pas faire taire les jeunes parce que c'est George Bernard Shaw, il disait, si tu n'es pas communiste à 20 ans, tu n'es pas un homme généreux. Si tu l'es toujours à 50 ans, c'est un gros problème. Bon, mais moi, je suis assez d'accord avec ça. Bien, écoutez, dans 2 ans, il va y avoir un nouveau gouvernement, une nouvelle course à la chefferie au PQ. Vous pourrez recruter Gabriel Nadeau-Dubois. Ouais, ben oui, mais non, ben, c'est payant. C'est payant. Ah, oui? Tu peux même donner 25% de ton salaire, ça paraît même pas. Vous restez avec nous, je vous en prie. Fred, présentez-nous notre prochain chroniqueur. Il écume les ondes à la recherche des plus juteuses citations de la semaine proférées par les chroniqueurs jambon et il faut le dire, ça se bouscule au portillon. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Ah, on peut applaudir. Oui, oui, on peut, oui. Ah, oui, non, oui. Mais honnêtement, on oublie souvent d'applaudir Olivier. C'est vrai. Merci. Il le mérite. Ben, lundi matin, c'était un jour férié, mais puisque l'actualité ne prend jamais de vacances, ça, je suis rentré, comme d'habitude, au travail en descendant à la station Berry-UQAM. C'est à ce moment précis que j'ai senti un vent de changement. Et ça ne sentait pas très bon. Je voulais savoir pourquoi ça pue quand vous arrivez à Berry-UQAM, au métro. Tous les autres bouches de métro, ça sent clean. T'arrives là, ça pue. Et puis écoute, c'est des problèmes. Ça sent la gauche. Ça sent la gauche. Je suis pas souvent d'accord avec Jeff Fillion, mais pour côtoyer Fred Savard au quotidien, je peux vous confirmer que la gauche, ça pue des pieds. C'est aussi lundi qu'avait lieu la première pelletée de terre de l'Amphithéâtre de Québec. 20 000 personnes unies pour une même cause, faire du bénévolat pour Québécois. Certains de ceux-ci ont par ailleurs invectivé Pauline Marois en criant « Canada, Canada, Canada » qui, d'ailleurs, a investi pas une scène dans ce futur colisée. Hey. Marois hué lundi, Legault Picharet hué par les péquistes victorieux mardi, Scott Gomez hué toute l'année. Ça, là, ça prouve qu'il y a des caves partout, hein? Sauf au Centre Bell. Parce que Gomez, quand même. Ouais, non. Ça marche moins, les jokes de Gomez. Non, c'est vrai, ça, ouais. Ouais. Mardi, Régent Tremblay est revenu de sa tournée des pauvres, comme il l'appelle, là. Le concept est simple. Sillonner les Hilton d'Amérique avec Marcel Aubu au volant d'une moto carburant à la veuve Clicquot. Il se trouva toutefois fort dépourvu quand le temps de voter fut venu, puisque Régent aime l'argent, haït les carrés rouges tout en étant souverainiste. Mais que faire? Ça veut dire que si je vote Parti québécois. Oui. Je suis d'accord avec le carré rouge, je suis d'accord avec les casseroles. Or, je suis profondément en désaccord. Mais tu sais, il va me rester option nationale. Option nationale contre le carré rouge? Ah non, je pense qu'il se trompe avec l'Union nationale. Ah, c'est ça! Jean-Charles Lajoie n'a pas eu le même problème que Régent, puisqu'il avait oublié de s'inscrire sur la liste électorale. Ce qui ne l'a pas empêché d'animer la soirée des élections de Radio X Montréal. Une soirée qui a été le théâtre d'une foire d'empoigne fratricide entre Jean-Charles et son homologue de Radio X Québec, Stéphane Gasse, qui lui a un peu raccroché au nez. Vous avez passé votre printemps à vomir sur les manifestants. Le printemps érable, ça vous dit rien? Non? Quelle expression bête en passant. Justement, en passant, Mire, vous autres, pas son vous autres manifestez à la place pour une pelle ou whatever, là. OK. Hey, les gars, ça nous a fait plaisir. Salut, bye-bye. C'est comme un choc des civilisations, mais avec du monde pas trop civilisé. Heureusement, les deux larrons se sont réconciliés le lendemain après que Gass eut expliqué que c'était en quelque sorte une initiation qu'il avait fait subir à Jean-Charles, une tradition ancestrale chez Radio X. C'est-tu ce que j'ai eu, moi, quand je suis arrivé ici à choix? Vince, veux-tu le raconter, s'il te plaît? Non, je suis pas sûr que je veux raconter ça, mais c'est une époque lointaine. Un collègue avait fait venir à Stéphane ce qu'on appelle un she-mail. J'avais un she-mail dans mon studio. Qui sentait bizarre, là. Faut le dire, là. Oui. Ah, ça devait être un she-mail de gauche. Ça me rappelle notre initiation à Radio-Canada, Jean-Philippe, là, ouais. Avec Jacques Languérin puis le pot de moutarde. Hein? Okay, enfin, je m'en voudrais de vous laisser sans vous faire bénéficier d'une autre perle de sagesse de ce cher Sylvain Bouchard du FM 93 qui avait son mot à dire sur l'attentat de mardi. Et moi, je souhaite, et je suis sûr qu'on va l'avoir, puis ça va être unanime, une dénonciation, tu sais, sans nuance, sans aucun équivoque, puis c'est ça qu'il faut faire. Il n'y a pas de oui, mais il n'y a absolument rien qui justifie un geste comme ça. Mais je peux pas m'empêcher de remarquer. Moi, ça fait un an que j'envoie des cagoules à Montréal. Ils ont pas de fusil, là, mais il y en a qui sont intimidants. Tu sais, la violence au Québec, là, pas aussi grave que celle-là. Il n'y a pas eu de mort, mais ça fait un an qu'on envoie dans les rues. il n'y a pas de oui, mais. Mais. Ouais. Mais je pense que je vais m'arrêter ça avant d'être impoli. Merci beaucoup, Olivier. On va retrouver Jean-Sébastien. Jean-Sébastien? Oui, bonjour. Alors, Léo est bien installé. Alors, on va se détendre maintenant avec un petit jeu utile pour Léo. Ça s'appelle « Si j'étais premier ministre », parce qu'évidemment, Léo, tu le sais probablement, il y a des gens qui pensent que t'es le prochain René Lévesque. Puis, on va se le dire, Pauline Marois, t'es aveugle d'aller la visiter au Résidence Soleil avec Gilles Proulx. Alors, ton tour va peut-être venir bientôt. Alors, j'ai des cartons ici avec des noms de personnalités publiques. Alors, tu imagines que tu diriges un parti et que ces gens-là sont tes députés élus. Ça me dit, qu'est-ce que tu ferais avec ces gens-là? Premièrement, à ton grand ami Gilles Duceppe, tu ferais quoi avec lui au gouvernement? Bien, M. Duceppe, on pourrait le nommer responsable des relations avec Ottawa, comme si on pourrait faire des crises pour réaliser plus rapidement la souveraineté. Est-ce que vous lui feriez confiance? Bien sûr. Vous n'auriez pas peur un petit putsch? Alors, le deuxième nom maintenant, à la belle Martine Desjardins. Qu'est-ce que vous feriez avec elle? Ben, écoutez, Martine a développé une certaine expertise dans les grèves, donc je créerais un ministère des grèves, comme si on réglerait tous nos problèmes avec les étudiants, puis on n'entendrait plus parler. C'est bon, ça. Est-ce que vous avez toujours un petit kick sur Martine? Non, jamais. Jamais de tension sexuelle entre vous dans les moments difficiles? Absolument aucune, strictement professionnelle. Ben, voyons donc. Et maintenant, le troisième, ah, ça, vous l'avez vu venir, le petit Gabriel Nadeau-Dubois. Qu'est-ce que tu ferais avec au gouvernement? Ben, Gabriel, je le nommerais porte-parole du gouvernement, comme si on pourrait se dissocier des taux d'écrochage, de l'attente en santé, et ne jamais être responsable de nos erreurs. Bon. Ma prochaine question, Léo, c'était justement, est-ce que ça va mieux entre vous? Est-ce que vous avez moins envie de vous arracher la face? Visiblement, non. Est-ce que Gabriel t'a appelé pour te féliciter mardi? Non, malheureusement. Non. Wow. Gabriel! Je lui ai envoyé un Twitter, t'as pas vu, Léo? C'est vrai? Il est normal. Bon. Ben... Bon, alors écoute, Gabriel, je vais te donner quelques secondes pour féliciter Léo, puis profitez-en donc pour régler ça, cette maudite chicane. On est bien tannés de ça. Alors parlez-vous, les petits gars. Ben écoute, Léo, je t'ai envoyé un Twitter, je sais plus si c'est toi qui s'en occupe encore, mais je t'ai envoyé des félicitations, puis je t'ai dit, je t'ai félicité surtout pour avoir défait un ministre libéral, et ça quand même, il faut l'avouer, ouais. C'est un grand service que t'as rendu au Québec, puis je t'ai félicité pour ça. J'ai juste ajouté un petit conseil, je voulais te témoigner le fait que j'aimerais que tu n'oublies pas d'où tu viens, c'est-à-dire du mouvement étudiant, parce que ce dossier-là, il est réglé pour le moment, mais on va peut-être encore en entendre parler, et ce serait bien de pouvoir compter sur un véritable allié à l'Assemblée nationale. Il vient pas de Laval, Léo? Bien sûr. Bien Pardon? Sûr. Il vient pas de Laval, Léo? Il vient de Saint-Hyacinthe, je crois, n'est-ce pas? Ah, je pensais qu'il venait de Laval. Non, mais non. Tu parles d'une blague qui tombe à plat. Bon, ben, vous parlez d'un beau moment de radio. Moi, je m'en vais prendre une bière avec Léo puis Stéphane Ligne de Côte qui a besoin de vivre sa jeunesse, ce petit gars-là. On compte sur toi, Jean-Sébastien. Fais attention, là. Léo. Oui, bye merci bye. Beaucoup, Léo. Au revoir, merci à toi. Merci, Jean-Sébastien. Ah, il est incroyable, ce gars-là. On vous invite à rester à l'écoute. Dans quelques minutes, c'est le cabaret de Plus on est de fou, plus on lit. Tout de suite après, c'est Bande à part animée par Alex Courteau. Merci à toute l'équipe, Fred Savard, Olivier Niquette, Marie-Claude Bocage, Julie, Christine Parent, Jean Gagnon, évidemment le pulpeux, Philippe Roberge à la console. Et cette semaine, un merci tout spécial à Marie-Hélène Girard qui nous a aidés pour les capsules. Un immense merci à nos invités Gilles Duceppe. On vous souhaite un bel automne dans un Québec gouverné par le Parti québécois quand même. Et Gabriel Nadeau-Dubois, un bel automne dans un Québec gouverné par Léo Bureau-Blouin. Quant à nous, vous pouvez nous suivre sur Twitter à twitter.com/lasoirée, nous réécouter avec la balado et vous nous écrivez si vous voulez assister la semaine prochaine à notre enregistrement. C'est vendredi à 19h, évidemment. Nos invités Jacques Duval et Richard Bergeron. On va jaser de gros chars. Ben que oui. Vous voulez, c'est ça. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune. Merci tout le monde.